la nappe, j'ai la dope, j'me focalise. Sur le jaune, sur le move, puis j'totalise. Déshabille-toi quand toutes les lumières se tamisent. Bébé, où est-ce que tu te localises? On saf, en safari. Bébé, où est-ce que tu te localises? Mon cœur est dispo, solitude reviendra pas de si tôt. Je descendrai chez toi tôt comme la lispo. Ouvre-moi la porte, baby, take it slow. On jouera toujours les matchs à l'ico. Minuit jusqu'à l'heure du cocorico. Faire des choses qui ne s'expliquent pas dans l'ico. Ouvre-moi la porte, baby, take it slow. Crois-moi, j'ai ce qu'il faut. Les autres n'ont pas le niveau. Nous reverrons pas tito. Je te cherche depuis que mon cœur est dispo. Slow, crois-moi, j'ai ce qu'il te faut. Les autres n'ont pas le niveau. Nous reverrons pas tito. Je te cherche depuis que mon cœur est dispo. Dans la valise, j'ai la neuf, j'ai la dope, j'me focalise. Sur le jaune, sur le move, puis j'totalise. Déshabille-toi quand toutes les lumières se tamisent. Bébé, où est-ce que tu t'organises? On saf, safari. Bébé, où est-ce que tu t'organises? Comme d'un vito. Et deux minutes, elle me prenait pour un mytho. Tu veux demain, t'as le corps plein de cristaux. Quand tu vois ma balance, laisse-moi faire les choses. Je te l'ai depuis que mon cœur est dispo. Comme si j'avais gagné au casino. Bébé, laisse-moi. 50 minutes inside. Laisse-moi faire les choses. Laisse-moi te proposer. Et même si c'est osé, pas d'interdit. 50 minutes inside comme Nico. Laisse-moi donc t'arroser, sois ma nouvelle dose, pas d'interdit. 50 minutes inside comme Nico. Dans la valise, j'ai le neuf, j'ai la dope, j'me focalise. Sur le jaune, sur le mauve, puis j'totalise. Déshabille-toi quand toutes les lumières se tamisent. Bébé, où est-ce que tu t'organises? On saf, on safari. On saf, on safari. On saf,